Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire mouvementée d'une rupture annoncée, le Brexit. Le 23 juin 2016, c'est un coup de tonnerre qui s'abat sur l'Europe. Le Royaume-Uni, cette puissance européenne majeure, vient de voter à 52% pour la sortie de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un État membre manifeste la volonté de rompre ses liens avec l'institution. Et pas n'importe quel État membre, le Royaume-Uni. C'est comme si un visage humain perdait un œil, comme défiguré. D'un point de vue historique et culturel, le Royaume-Uni, c'est l'un des phares du continent. Un pays qui a dominé le monde pendant 500 ans, il n'y a pas si longtemps. Un pays dont l'originalité n'a d'égal que le génie dans bien des domaines. De ce point de vue, son départ de l'Europe est un coup dur, l'une des nouvelles les plus regrettables de ces dernières années, pour nous, Européens en tout cas. Certes, tout était gravé dans le marbre, tant les Britanniques ont joué concernant l'Europe un pied dedans, un pied dehors. Mais de là à quitter l'Union Européenne. Alors, que s'est-il passé? Comment l'idée d'un référendum sur une sortie de l'UE est-il née? Quelles en sont les conséquences? Notre invité aujourd'hui, Patrick Martin-Jeunier, professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste des questions européennes et internationales. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Londres, jeudi 23 juin 2016. En milieu de journée, une pluie torrentielle s'abat sur la ville. Les gares et les stations de métro de l'agglomération sont inondées et les trains ne circulent plus. Dans cette ambiance de fin du monde, de nombreux londoniens s'interrogent. Comment vont-ils faire pour aller voter? Il faut dire que ce jeudi 23 juin est un jour qu'on estime déjà historique. Se tient en effet ce jour-là un référendum, le référendum, la consultation qui agite tous les Britanniques depuis le début de l'année, le Brexit. La question qui leur est posée est limpide. Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne? Un reportage de France 2 décrit l'atmosphère particulière qui règne dans les rues de la capitale. Certains ont revêtu l'uniforme pour l'occasion. D'autres sont venus en couple, sous la pluie, ou pendant le travail, entre midi et deux. Les Britanniques ont voté toute la journée, chaque camp plus déterminé que jamais. In, remain. Je vais voter pour continuer dans l'Union européenne. Si Brexit gagne, mon mari et moi, peut-être on va venir habiter en France. C'est un jour historique pour le Royaume-Uni. Si nous quittons l'Union européenne, nous allons rater un grand nombre d'accords commerciaux. Et dans le camp des pro-Brexit, la même détermination. Ça nous coûte 350 millions de livres, 450 millions d'euros par semaine de rester dans l'Europe, alors que l'on pourrait garder cette somme pour nous. Je pense que le Brexit va gagner avec une large majorité, beaucoup plus que ce que le gouvernement attend. Et ça sera un choc. À deux pas de Westminster, dans son QG du 10 Downing Street, le Premier ministre David Cameron affiche le sourire des grands jours. Rasé de près, habillé de son habituelle chemise bleu marine, ce chef de gouvernement de 49 ans arrive au bout d'une campagne intense qu'il a menée en faveur du rattachement à l'Union européenne, le Remain, comme on dit en Grande-Bretagne. Les sondages des derniers jours l'annoncent encore vainqueur, et de toute façon, pour l'ambitieux leader conservateur, la défaite est tout simplement impossible. Autour de lui, c'est l'effervescence. Une équipe mouline les données du premier sondage, et le dernier, le maintien dans l'Union européenne, l'emporterait à 52%, selon le dernier sondage. À côté du Premier ministre, un homme a les yeux vissés sur son smartphone. Il semble un peu inquiet, plus que les autres en tout cas. Il s'appelle Craig Oliver. Il est le directeur de la communication de David Cameron. Et cette journée, lui, il ne la sent pas. C'est que, depuis quelques semaines, les sondages en faveur de la sortie de l'Union ne font que grimper. Et le conseiller sent bien que le résultat final va se jouer dans un mouchoir de poche. À 22h, les bureaux de vote du Royaume-Uni fermés, un premier chiffre tombe, le taux de participation. Il atteint un niveau historique, 72,2%. Le décompte va donc prendre du temps, et même si les partisans du maintien sont optimistes, une nuit interminable débute. comme le montre ce reportage de France 2. 22h hier soir, les bureaux de vote viennent de fermer. Et de l'Écosse au Pays de Galles, de l'Irlande du Nord à l'Angleterre, on dépouille dans tout le royaume. Les premiers résultats donnent le Brexit perdant. Et à la télévision, même Nigel Farage ne semble plus y croire. Je pense que le maintien dans l'Europe va l'emporter, mais de justesse. Au fil des heures, pourtant, la tendance s'inverse. Les sourires changent de camp. Il est un peu plus de minuit quand sont annoncés les résultats de Sunderland, le fief des eurosceptiques. Le nombre total des votes dépouillés en faveur du Brexit est de 82 000. Et les scores ne cessent de s'accroître. Après Sunderland, d'autres résultats partiels sont annoncés. Le Brexit l'emporte dans de nombreuses circonscriptions. Et peu à peu, les partisans de la sortie se mènent à croire en leur victoire. Au Ten, la résidence du Premier ministre, les conseillers s'agitent. Certains appellent leurs contacts locaux, d'autres refont les calculs. Les minutes qui suivent prennent des airs d'éternité. Au milieu de la nuit, de nouveaux résultats tombent. Le nord de l'Angleterre a voté massivement pour le Brexit. Tandis qu'à Londres, le score est serré. Cette fois, la confiance change de camp. Quelques instants plus tard, après d'autres résultats, il faut se rendre à l'évidence, les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. À l'aube du 24 juin, un peu avant 5h du matin, le célèbre présentateur de la BBC, David Dimbleby, annonce la nouvelle aux Britanniques. Nous pouvons maintenant dire que la décision prise par notre pays il y a 43 ans d'adhérer au marché commun a été révoquée. Nous allons quitter l'Union européenne. Dans la foulée, les résultats quasi définitifs sont annoncés. 52% des électeurs ont voté pour le Brexit. Pour les défenseurs du Remain, c'est la douche froide. Leurs adversaires, eux, fêtent une victoire inespérée. Ils se tombent dans les bras. Le divorce entre le Royaume et l'Union est donc confirmé. Bye bye l'Europe. L'onde de choc est immense. Elle ébranle les marchés financiers et secoue les capitales européennes. Dans son bureau, David Cameron consulte son conseiller Craig Oliver. Après quelques minutes, le Premier ministre doit se rendre à l'évidence, il ne peut plus continuer à gouverner. À 8h23, ce 24 juin, il se présente sur le perron du 10 Downing Street. Face à une nuée de journalistes, il commence son discours, des trémolos dans la voix. Les Britanniques ont pris une décision très claire de prendre un chemin différent et de ce résultat, je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader pour prendre ses directions. Je ferai tout ce que je peux en tant que Premier ministre pour stabiliser le navire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais je ne pense pas que ce serait bien pour moi d'essayer d'être le capitaine qui dirige notre pays vers sa prochaine destination. C'est la fin de 6 années de pouvoir pour David Cameron, l'apprenti sorcier. La fin également d'une campagne qu'il ne pensait jamais perdre. Une campagne violente, hargneuse, remplie de coups bas et d'intox. C'est pourtant ce même David Cameron qui avait promis d'organiser la tenue du référendum. Un pari en forme de calcul politique qui lui semblait imperdable, on l'a dit. Alors, comment est-on passé de 53% de partisans du maintien à 48% en à peine 5 semaines? Et puis d'ailleurs, d'où vient-il ce référendum? Pour mieux comprendre l'événement, il convient de revenir en arrière, en l'an de grâce 1798. À cette époque, la plupart des pays européens tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existent pas. Et la France vient de couper la tête de son roi. Acte politique transgressif par excellence, alors que de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre est déjà l'Angleterre depuis plus de 8 siècles et n'entend pas changer. En cette année 1798, donc, un petit ouvrage de Friedrich von Hardenberg paraît, qui contient une formule restée célèbre, « Non seulement l'Angleterre, mais tout Anglais est une île ». Ainsi, en quelques mots, on retrouve le statut si particulier qu'incarne le Royaume-Uni dans l'inconscient collectif. Un territoire à la fois entouré par les eaux et ouvert sur le monde, un panorama étrange où l'on conduit à gauche et où l'on mesure en yards et en pouces, une vieille monarchie où l'on aime cultiver le flegme, le tweed et l'humour pincé. Le Royaume-Uni, ou le seul endroit à notre porte où l'on peut se sentir vraiment dépaysé. La Grande-Bretagne est exotique et ce n'est pas le moindre de ses atouts. Entre l'insularité, l'Union internationale des pays du Commonwealth et les liens culturels quasi organiques avec les États-Unis, les Britanniques ont le strabisme divergent. Un œil regarde l'Europe, l'autre l'Amérique. Dès lors, au début de l'année 1963, quand la Grande-Bretagne propose sa candidature au marché commun, ils sont nombreux, sur l'île comme sur le continent, à douter des bienfaits d'une telle adhésion. À ce titre, le discours du général de Gaulle du 14 janvier 1963 est resté célèbre. La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Elle l'a fait après s'être naguère refusé à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir. Cela pose sans aucun doute à chacun des 6 États, et ça pose à l'Angleterre, des problèmes d'une très grande dimension. L'Angleterre, en effet, elle, est insulaire, elle est maritime, elle est liée aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées, très originales. Bref, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. À cela, il faut ajouter que les Britanniques, héros européens de la résistance à l'Allemagne nazie, ont toujours considéré que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne est fille d'une construction décidée, mise en place dans les années 50 par les vaincus, oui, France et Allemagne en tête. Il y a là comme un léger malaise. Mais bon, 10 ans plus tard, le 1er janvier 1973, la Grande-Bretagne entre quand même dans la communauté économique européenne. Mais au sein de la société britannique, les crispations sont déjà nombreuses. Dans les pubs du pays ou dans les clubs de gentlemen, ils sont nombreux à penser que leur attachement à la communauté est une hérésie, ou pire, le signe d'une oppression étrangère. La coopération économique dans un marché commun, pourquoi pas, mais le sentiment européen, pas le genre de la maison, de Londres à Liverpool et de Manchester à Birmingham. Il est notable que l'impuissance de l'Europe sur beaucoup de terrains sociaux, économiques, militaires, politiques, diplomatiques et sanitaires aurait tendance à donner raison aux Britanniques. Quoi qu'il en soit, les relations entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe ont toujours été frappées du sceau de la méfiance réciproque. Souvenez-vous de Margaret Thatcher entre 1979 et 1990, qui s'oppose presque systématiquement à ses partenaires du continent et qui décroche de nombreuses dérogations budgétaires, d'où le fameux « I want my money back ». Sur l'île britannique, une bonne partie de la droite conservatrice porte son europhobie en bandoulière. À ce titre, un jeune journaliste excentrique du Telegraph enchaîne les articles grinçants contre la bureaucratie européenne qui font jubiler la dame de fer. Ce monsieur, ce journaliste, s'appelle Boris Johnson. Mais pour le moment, et malgré les réticences des Anglais, l'Europe poursuit son unification. Ainsi, en 1992, le traité de Maastricht est signé et d'une coopération économique, on passe à une union politique. Un parlement est mis en place à Bruxelles et une haute commission est désignée. L'Union européenne voit le jour, en théorie. Mais, pour une partie de la droite conservatrice anglaise, la pilule est amère. C'est notamment l'avis d'un courtier originaire du Kent, un homme de 28 ans, hâbleur et malin, un certain Nigel Farage. Quelques mois après la signature du traité de Maastricht, il crée le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, le UKIP. 4 ans plus tard, en avril 1996, un reportage de la BBC capte une réunion publique de cette modeste formation anti-européenne. Le tout jeune parti pour l'indépendance du Royaume-Uni vient de fêter ses 3 ans. Il a obtenu 3% aux dernières élections européennes et il ne compte pas s'arrêter là. Pour ses dirigeants, il y a une vraie conspiration pro-européenne au sein des grands partis et le temps est venu de la dénoncer. Ce qui a commencé comme un murmure au sein des pubs, des clubs et partout où les gens se réunissent dans ce pays devient peu à peu un cri de révolte. Et nous le disons maintenant haut et fort, sortez le Royaume-Uni de l'Union. À la même période pourtant, l'économie britannique se porte plutôt bien et le sentiment anti-européen s'atténue au sein du Parti conservateur toujours au pouvoir. Disons que l'heure est à la coopération, à la détente. En 1997, c'est l'alternance. Le travailliste et très europhile Tony Blair arrive à la tête du gouvernement. Pour autant, le Royaume-Uni conserve un statut d'exception au sein de la zone. Au tournant du siècle, alors que les autres pays de l'Union fêtent l'arrivée de l'euro, la livre sterling est maintenue. Un équilibre précaire semble donc avoir été trouvé. Là encore, c'est un compromis. Pourtant, dans les années qui suivent, une série d'événements vient fragiliser le lien entre l'île et le continent, et bientôt, le torchon brûle. D'abord en 2004. Cette année-là, l'Union européenne vote son élargissement à 10 nouveaux États d'Europe de l'Est, autrefois situés derrière le rideau de fer. À Londres, le gouvernement de Tony Blair accepte la venue de centaines de milliers de Polonais et autres ressortissants de l'ex-bloc soviétique. Mais de nombreux travailleurs britanniques voient eux d'un mauvais œil l'arrivée de ces populations et remettent en cause l'élargissement. Autre événement, le traité de Lisbonne en 2007. Un tour de passe-passe qui avait permis de passer outre la volonté des peuples français et néerlandais qui avaient voté contre le traité constitutionnel de l'Europe en 2005. Enfin arrive la crise financière de 2008. Elle précipite de nombreux travailleurs au chômage. Conséquence, les Britanniques sont toujours plus nombreux à dénoncer la mainmise de Bruxelles, réelle ou supposée, sur la vie de leur pays. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, le sentiment de défiance envers l'Union européenne se transforme en rejet quasi épidermique. Au sein du Parti conservateur, un homme l'a bien compris, c'est David Cameron lui-même. Politicien impulsif, sûr de son charisme et de sa bonne étoile, Cameron est le pur produit de la haute société britannique. Un ancien d'Eton et d'Oxford, âgé de 42 ans à l'époque des faits. En 2008, voilà 2 ans qu'il est le leader du Parti conservateur et il est confronté à son premier grand défi de chef de l'opposition, car dans ses propres rangs, une aile contestataire anti-européenne donne de la voix, et fort. David Cameron ne partage pas vraiment cette europhobie galopante, mais il est un redoutable tacticien. Il promet donc à ses concitoyens une renégociation des traités si jamais il arrive au pouvoir. Et le 6 mai 2010, c'est chose faite. Pour la première fois depuis 1997, les conservateurs l'emportent. L'heure est enfin venue pour l'ambitieux Cameron. Sur le perron du 10 Downing Street, il s'adresse aux caméras du monde entier. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement et j'ai accepté. Notre pays avait un parlement bloqué, aucun parti ne disposait de la majorité. Nous avons des problèmes profonds et urgents, un déficit énorme, des problèmes sociaux importants et un système politique à réformer. Un mois plus tard, en juin 2010, David Cameron prévient ses concitoyens. La situation économique du pays est pire que ce qu'il pensait et son gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles. Autrement dit, les Anglais doivent se préparer à un plan d'austérité. Et pour de nombreux Britanniques, le responsable est tout trouvé, l'Europe, son autorité budgétaire et ses immigrés venus de l'Est. Le sentiment anti-européen gagne ainsi du terrain un peu partout dans la classe politique. D'ailleurs, un petit parti fait de plus en plus parler de lui, vous le connaissez maintenant, le UKIP de Nigel Farage. Depuis quelques années, sa formation ne cesse de progresser, et ses idées anti-européennes sont même reprises par certains conservateurs. Ainsi, le 12 octobre 2011, 81 des 306 députés de droite votent un amendement qui réclame un référendum sur la sortie de l'Union européenne. L'idée est lancée, elle fait son chemin au sein de la société. De son côté, David Cameron n'est pas partisan d'une sorte de l'Union. Il est un réformateur libéral qui croit aux vertus du marché commun. Mais il compte tirer profit de la situation pour obtenir de nouvelles concessions de la part de Bruxelles, notamment sur le budget et l'immigration. Il lance alors un pari osé, presque fou, faire planer la menace d'une sortie de l'Union. Ainsi, le 23 janvier 2013, au siège de Bloomberg à Londres, il promet l'organisation d'un référendum sur la sortie du Royaume-Uni. Dans toute l'Europe, on parle désormais de cette porte ouverte à un claquement de porte et des négociations à venir entre Londres et Bruxelles, comme ici, sur France Inter. David Cameron va négocier avec ses partenaires européens une nouvelle relation entre Londres et Bruxelles. Il souhaite une Europe plus souple, moins bureaucratique, bâtie autour du marché unique. Le peuple sera consulté sur ce nouvel accord. Oui ou non, voulez-vous rester dans cette UE réformée ? David Cameron devra donc convaincre 26 pays que l'Union doit changer. Je dis à nos partenaires européens, frustrés sans doute par l'attitude britannique, travaillez avec nous là-dessus. Mais pour la France et l'Allemagne notamment, l'Europe n'est pas à la carte. Or, David Cameron se dit favorable au maintien du Royaume-Uni dans la nouvelle Europe qu'il appelle de ses voeux, mais il ne dit pas ce qu'il fera en cas d'échec des discussions avec ses partenaires. Moi, je vais aux négociations avec l'espoir, l'attente d'un succès. Il faut un changement de traité en Europe. Des changements considérables sont en cours. On a besoin d'une Europe plus souple, plus ouverte, mais à la fin, ce sera au peuple britannique de choisir. Le référendum sur la sortie de l'Union européenne devient la promesse phare de la campagne de Cameron pour les élections de 2015. Et au début, le plan fonctionne, puisque le 30 mai de cette année-là, il est réélu. Le référendum aura donc bien lieu, il est prévu pour l'année suivante, au mois de juin. À Bruxelles, l'inquiétude monte, les négociations avec le Royaume-Uni doivent débuter le 27 février 2016. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Sensible. Fabrice Drouel. Should I stay? Should I go? Should I stay? Should I go? Dois-je rester ou partir? Comme le chantent les Clash que vous venez d'entendre, au début de l'année 2016, l'Union européenne est dans l'incertitude. Un référendum sur la sortie de l'Union doit se tenir donc au Royaume-Uni pour le mois de juin. Le Premier ministre, David Cameron, menace de faire campagne pour la sortie si un accord n'est pas trouvé entre lui et les États membres. Le principal sujet des négociations à venir concerne l'immigration des pays de l'Est. Cameron doit arracher un accord et montrer à ses concitoyens qu'il peut tenir tête aux partenaires européens. Le 18 février 2016, il arrive à Bruxelles. À peine descendu de sa Jaguar, il s'élance vers une forêt de micros et donne le ton de ce qui sera le bras de fer qui s'annonce. Je n'aime pas Bruxelles. J'aime la Grande-Bretagne. Et mon travail de Premier ministre est de faire tout mon possible pour protéger ses intérêts. La conviction de Cameron suffira-t-elle à remporter cet accord qu'il espère tant ? Après 30 heures d'âpres négociations entre les 27, un compromis est trouvé. Certaines migrations sont limitées temporairement. À la sortie, Cameron se pavane. L'accord qu'il a arraché est une grande avancée, dit-il. Grâce à lui, le Royaume-Uni affirme plus que jamais son statut d'exception au sein de la communauté. Le 19 février, le Premier ministre lance officiellement la campagne du référendum. Il opte pour une stratégie agressive et n'hésite pas à jouer avec la peur de l'inconnu. Laissez-moi être clair. Quitter l'Europe menacerait notre économie et notre sécurité. Cela n'offrirait que des risques et des temps d'incertitude. Ce serait un saut dans l'obscurité. Alors, le Brexit, saut dans l'obscurité ? Pour les partisans de la sortie, Nigel Farage en tête, l'accord arraché par Cameron est évidemment insuffisant. D'ailleurs, au même moment, le leader de UKIP tient un meeting dans une salle londonienne. Et comme à son habitude, il n'est pas tendre avec son meilleur ennemi politique. Je viens d'apprendre il y a 10 minutes qu'un accord à Bruxelles vient d'être trouvé. On peut peut-être décerner à David un Oscar. Parce qu'avec ses talents d'acteur, il nous a dit « Je me bats toute la nuit jusqu'au matin ». Un accord, mais quel accord ? Nigel Farage n'est pas le seul à critiquer les concessions arrachées par Cameron. De nombreux membres du Parti conservateur pensent eux aussi que l'accord n'est qu'un mauvais compromis. Et pour le chef du gouvernement, les premiers ennuis arrivent, rapidement. Ainsi, dès le lendemain, le 20 février, 140 parlementaires conservateurs et 6 ministres annoncent qu'à l'inverse de leur leader, ils soutiendront le Brexit. La campagne promet d'être houleuse. Parmi les conservateurs, il en est donc où tout le monde attend la réaction, c'est Boris Johnson. L'ancien journaliste de 52 ans s'est lancé en politique. Et voilà près de 8 ans qu'il a été élu maire de Londres. Bojo, comme les Anglais l'appellent, s'est affirmé depuis comme une figure particulière dans les rangs des Tories. Un vrai bourgeois bohème, libéral, libertaire et populaire. Et le dimanche 21 février 2016, le maire de Londres convoque la presse à son domicile du quartier d'Islington, au nord de la ville. Ce jour-là, dans le froid, une nuée de journalistes se masse devant sa porte. Costume sombre à peu près repassé, cravate de soie verte et tignasse blonde pour une fois impeccable, le fantasque maire s'avance vers les caméras et s'adresse à ses anciens collègues. La dernière des choses que je voulais était d'aller contre David Cameron ou contre le gouvernement. Mais après un profond cas de conscience, j'ai décidé de soutenir la campagne pour quitter l'Union européenne. Parce que je veux de meilleures réformes pour le peuple britannique, pour économiser de l'argent et pour reprendre le contrôle de notre pays. Sans surprise, Boris Johnson s'engage donc fermement en faveur du Brexit. Surtout, il devient le rival principal de Cameron. En cas de succès, il entend bien prendre la tête du Parti conservateur et lui succéder au 10 Downing Street. Mais Johnson n'est pas le seul caillou dans la chaussure de Cameron. Nigel Farage, lui aussi, compte se faire entendre. Et l'axe de sa campagne est tout trouvé, l'immigration. Bientôt, les affiches du UKIP envahissent les rues. Elle montre une photo d'une foule d'hommes au teint basané qui déferle accompagnée de cette citation « Nous devons nous libérer de l'Europe et reprendre le contrôle de nos frontières ». Le ton est ainsi donné. Dans les premières semaines de la campagne, les Brexiteurs sont donnés largement perdants. Dans les sondages, ils recueillent à peine 40% de soutien. Pourtant, peu à peu, au fil des semaines et des jours, les campagnes parallèles menées par Johnson et Farage font vaciller une partie de l'électorat grâce à une stratégie agressive et une désinformation permanente. Pour cela, Boris Johnson s'est entouré d'un conseiller à la personnalité trouble, Dominic Cummings. Quadragénaire ombrageux et colérique, ultra-libéral et europhobe, Cummings articule sa stratégie autour de deux axes majeurs, l'économie et la souveraineté. Le message qu'il veut marteler est simple. Non seulement l'Europe est une force d'occupation étrangère, elle est aussi un gouffre financier. Ainsi, Johnson et Cummings mettent-ils en place un symbole qui marque les esprits, les bus du Brexit. Dans les semaines qui suivent, ces bus rouges à impérial sillonnent le pays à la rencontre des habitants avec une formule choc peinte sur la carrosserie. Nous envoyons 350 millions de livres chaque semaine à l'Europe, donnons-les plutôt au système de santé. Ces fameux 350 millions de livres par semaine, l'équivalent de 435 millions d'euros, marquent les esprits de nombreux Britanniques. Pourtant, le calcul est une grossière manipulation. Il ne tient compte ni du rabais consenti au Royaume-Uni depuis Margaret Thatcher, ni des aides européennes perçues. Peu importe, puisque la stratégie d'intox est payante. Car dans les sondages, l'écart se réduit. Cependant, la campagne se joue aussi sur un autre terrain, invisible celui-là, le web. En quelques années, en effet, les réseaux sociaux sont devenus le principal pourvoyeur d'opinion. Et Boris Johnson compte bien en profiter. Il passe donc un accord discret avec Aggregate IQ, une société canadienne de conseil politique et de technologie. Grâce aux données recueillies, la société réussit à cibler les groupes d'électeurs potentiels. Le marketing numérique s'invite dans la vie politique. Christopher Willey, un lanceur d'alerte passé par Cambridge Analytica, s'exprime sur la situation devant un comité parlementaire britannique 2 ans après le vote. Nous sommes en mars 2018. Si vous trichez lors d'un examen, vous êtes recalé. Si vous trichez aux Jeux Olympiques, vous perdez votre médaille. Personne ne devrait gagner en trichant. Premier point. Deuxième point, pour répondre à votre question, Dominic Cummings lui-même confirme que c'est grâce à ça que le Brexit l'a emporté. Il l'a bien dit, il n'aurait pas pu gagner sans Aggregate IQ. Et on comprend bien pourquoi ils ont dépensé 40% de leur budget dedans. J'ai vu les résultats des taux de conversion sur les messages envoyés en ligne. Et je peux vous dire qu'ils sont incroyablement efficaces. Je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il aurait pu y avoir un résultat différent lors du référendum s'il n'y avait pas eu de triche. Au printemps 2016, malgré leur avance sur les réseaux sociaux, les Brexiteurs sont encore en retard dans les sondages. Et leurs adversaires restent confiants. La stratégie de Cameron et des partisans de Remain est plus classique. Elle consiste à pointer les mensonges et à faire planer la menace d'un cataclysme économique. Mais la crédibilité de David Cameron est toute relative. Comment croire un homme qui milite pour le maintien alors qu'il a passé des années à critiquer l'Union européenne ? Surtout, le Premier ministre sous-estime ce qui est devenu l'un des sujets principaux du Brexit, l'immigration et les angoisses identitaires, marqueurs de notre époque ici comme ailleurs. Dans tout le Royaume, les observateurs ont de plus en plus de mal à analyser la campagne. D'abord parce qu'elle ne ressemble à rien de connu, elle divise les partis de l'intérieur et rebâtit des alliances improbables. Ainsi, le principal allié de Cameron devient le travailliste Jeremy Corbyn, qui était pourtant le premier à contester la politique d'austérité des conservateurs. À mesure que le référendum approche, la campagne exacerbe les tensions. Les familles se déchirent, les passions se déchaînent, et le débat s'invite un peu partout, au travail, à la maison, dans la rue, dans les pubs. Un peu comme chez nous, souvenez-vous, lors du référendum constitutionnel européen de 2005. Les semaines passent et l'écart se réduit entre les deux camps. Finalement, le 23 juin 2016, les électeurs du Royaume-Uni sont appelés aux urnes. Le lendemain matin, le résultat tombe. Les partisans du Brexit l'emportent avec 51,9% des voix. L'Europe bascule. C'est la première fois qu'un pays s'apprête à la quitter et encore une fois, quel pays ? 3 semaines plus tard, le 13 juillet, David Cameron démissionne. Il est remplacé par Theresa May. La phase effective de la sortie de l'Union peut démarrer. Problème, il semble que les partisans du Brexit n'ont jamais vraiment envisagé de gagner et qu'ils sont très mal préparés. Alors, après des mois de négociations et de tergiversations, le divorce est officiellement prononcé le le 31 janvier de cette année. Entre-temps, un nouveau Premier ministre a été nommé, Boris Johnson. Aujourd'hui, nos questions restent en suspens. De quoi le Brexit est-il vraiment le nom ? Est-il le divorce inévitable d'un mariage raté d'avance ? Ou bien s'agit-il de l'erreur historique d'un peuple abusé par ses dirigeants ? Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Brexit, notre invité Patrick Martin-Jeunier. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie, vous êtes spécialiste des affaires européennes et internationales, vous êtes également professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Paris et vous enseignez le droit constite et administratif à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Alors, je vais revenir sur le jour du vote, ce fameux 23 juin 2016. Les sondages étaient très serrés, l'issue incertaine. Quelle était votre intuition, vous ? Écoutez, moi, comme tout le monde, j'étais très très prudent. Il y avait une campagne, mais je me disais que quelque chose n'allait pas. Je ne le sentais pas non plus, parce que lorsque vous êtes un dirigeant politique, notamment David Cameron, tous les dirigeants politiques n'arrêtent pas. Vous me passerez l'expression de casser du sucre sur l'Europe pendant des années. J'avais même entendu Boris Johnson dire que l'Union européenne, c'était comme l'État qu'avait créé Hitler en Allemagne. Donc, si vous voulez, quand vous passez des années et des années à ne dire du mal que du mal de l'Europe, naturellement que ça ne peut pas donner des bonnes choses. Et la sensation qu'on a eue, c'est que vous l'avez dit dans votre excellent reportage, c'est que pour des raisons politiques, David Cameron avait proposé ce référendum. Il a passé son temps à critiquer l'Europe et au dernier moment, sous prétexte d'avoir obtenu une révision de la position de l'Union européenne, il va plaider pour le maintien dans l'Union européenne. Donc tout ça, le jour du référendum, selon moi, compte tenu des difficultés graves, sociales, économiques et de la ruine, notamment du service national de santé, ça ne pouvait pas donner de bons résultats. Donc je sentais également que les choses n'étaient pas bonnes. Dites-moi, David Cameron, apprenti sorcier tout de même. Oui, mais à force de jouer avec le feu, vous comprenez. C'est ça, oui. Je veux dire, c'est comme vous dites, l'Europe, c'est que le mal, c'est le diable, c'est la dictature, parce que voilà tout ce qu'on a entendu pendant des années. Eh bien, à un moment donné, les Britanniques, les électeurs ne comprennent plus bien. On nous dit, c'est le mal, c'est la dictature, c'est la technocratie. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont des businessmen ou women, des gens qui sont dans la vie économique internationale, qui m'ont dit, je vais voter le Brexit parce que pour moi, il n'y a que des gens qui sont corrompus à Bruxelles. Voilà. Hein, donc la corruption à Bruxelles, l'immigration, voilà à quoi ressemblait l'Union européenne. Dès lors, c'est pas du tout étonnant, apprenti sorcier ou pas, bien que les Britanniques aient voté dans ce sens. On a l'impression que une partie de l'électorat britannique a voté de façon, comme sous une impulsion, sans aller au fond des choses pour essayer de comprendre. On avait connu ça, nous, un peu en 2005, lors du référendum. On avait connu ça. En plus, ça traversait, c'était clivant au sein des mêmes familles politiques. Situation compliquée, c'était ça aussi également en Grande-Bretagne. Oui. Il y avait quand même quelque chose qui était un peu plus profond, si vous voulez, c'était les ouvriers, les employés, les usines manufacturières, charbonnières, les industries qui étaient en perte de vitesse comme elles l'ont été aux États-Unis, ce qui a conduit d'ailleurs à l'élection de Donald Trump, des gens qui se sont sentis les oubliés de la croissance, des gens qui étaient au chômage, et qui ont pensé notamment dans les zones donc ouvrières, qu'a gagné d'ailleurs Boris Johnson aux dernières élections, étaient les oubliés de la croissance. Et on voit bien qu'il y avait une véritable fracture dans ce pays, entre les gens qui se sentaient oubliés de la croissance, les chômeurs notamment dans les usines, les ouvriers dans les zones rouges, et les gens des villes diplômés des catégories supérieures qui étaient ouverts à l'international, qui bénéficiaient de l'international et de l'Europe. Et voilà, et ce n'est pas un hasard si dans des grandes agglomérations on a voté pour rester dans l'Union européenne, et pourquoi en Écosse on a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne, également en Irlande du Nord, des régions qui étaient extrêmement tournées vers le commerce international et l'Europe. Mais je dois dire aussi, comme votre excellent reportage l'a montré, c'est que c'était très compliqué dans les partis. Vous avez dit Jeremy Corbyn, finalement, était pour l'Europe. Oui, mais il a été mollement pour l'Europe. Il s'est pas vraiment engagé. Il était tantôt pour, il a beaucoup critiqué l'Europe. Et même parmi les partisans du maintien conservateur, dans le parti conservateur, on sent bien que les gens y allaient à reculons. Donc, tandis que les opposants à l'Europe était très offensif, avec des arguments chocs et mensongers, les partisans du maintien dans l'Union européenne, eh bien, faisaient campagne à reculons et une campagne rationnelle, mais tout à fait maladroite. Et pour illustrer ce que vous venez de dire, on va écouter une archive ensemble. Les années qui précèdent le référendum sont aussi les années de l'avènement d'un parti politique, on en a parlé, UKIP de Nigel Farage. Alors, au début des années 2010, il est député européen, ce Farage. Il s'est fait connaître grâce à de nombreux coups médiatiques. Et on va écouter une archive de 2010, donc, qui résume bien le personnage. Il s'adresse alors au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Vous avez le charisme d'une lavette humide et l'apparence d'un petit employé de banque. Et la question que je veux poser, qu'on veut tous poser, c'est « Qui êtes-vous ? » Je n'ai jamais entendu parler de vous. Personne en Europe n'a entendu parler de vous. Je voudrais vous demander, président, qui a voté pour vous ? Et par quel mécanisme ? Oh, je sais que la démocratie n'est pas très populaire chez vous. Et par quel mécanisme les peuples européens peuvent vous remplacer ? C'est ça la démocratie européenne ? Je pense que vous êtes compétent, qualifié et dangereux. Et je n'ai aucun doute que votre intention est d'être l'assassin de la démocratie européenne et des États européens. Vous méprisez le concept d'État-nation. Peut-être cela vient-il du fait que vous êtes originaire de Belgique, qui est un non-pays. Voilà, rien que ça. Peut-on dire que c'est cet homme, Nigel Farage, qui a donné le ton de la campagne du référendum, plus que Boris Johnson encore ? Oui, Boris Johnson était un opportuniste, on voit bien où ça l'a mené. Pour l'UKIP et Nigel Farage, c'est vraiment des arguments très très violents. C'était du racisme, c'était tout dirigé contre, effectivement, on l'a vu, l'immigration. Vous avez remarqué qu'il a prononcé le terme d'assassin contre Herman Van Rompuy, qui était le premier président du Conseil européen en exercice, de chef d'État. Et donc, c'était des arguments extrêmement violents. Et plus c'était violent, plus ça portait dans l'électorat britannique parce qu'il voulait abattre tous les symboles de l'Union européenne. Donc nécessairement, ça a porté. Et comme en face de lui, il n'avait que des opportunistes, des gens qui n'osaient pas, en fin de compte, s'engager vraiment en faveur de l'Europe, tout ça était d'un grand bénéfice pour lui. On va se retrouver dans 3 minutes, Patrick. Oui. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir été en train de chercher le titre de la chanson après avoir écouté. Michael Kiwanuka, Place I Belong. Patrick Martin-Jeunier, quand on regarde l'histoire britannique et l'Europe, on voit que c'est quand même assez tendu. Est-ce que le mariage était perdu d'avance ou est-ce que c'est la situation économique, sociale, politique d'aujourd'hui et l'Europe pris comme un bouc émissaire qui a fait ce divorce ? Est-ce qu'il est circonstanciel ou est-ce que ce mariage était perdu d'avance ? Je crois que c'est assez structurel en effet, vous savez, c'est comme ces mariages de raison, ça dure et à un moment donné ça explose parce que depuis le début il y avait un malentendu et un malentendu en fait culturel et politique. Le général de Gaulle avait tout à fait raison dans votre reportage où il avait repassé sa conférence de presse, il avait senti que les Britanniques n'étaient pas européens, non seulement ils n'étaient pas européens, ils étaient contre l'Europe, pas la même culture, ils considéraient qu'ils étaient dans une île supérieur à toutes les civilisations. Il faut dire aussi que les Britanniques, c'est quand même la plus vieille démocratie du monde. Donc, ils avaient ce sentiment de fierté. Et au moment où il a fallu adhérer à l'Europe, rappelez-vous, il y a eu des débats. Général de Gaulle avait dit non à 2 reprises. Il avait raison, au final, parce que il sentait bien que les Britanniques ne seraient pas heureux dans cette union. Et cela a été remis en cause après. En 1975, il y a quand même un premier référendum. Et là, comme c'était tout à fait nouveau, ça faisait 2 ans qu'ils étaient dans l'Europe, ils ont dit oui à 67%, et on en est resté là. Mais il y a eu, dès le début, un grave malentendu entre l'Europe et le Royaume-Uni, c'était qu'en réalité, les Britanniques, ils n'aiment que le commerce. Et ils ont toujours voulu faire de l'Europe une zone de libre-échange commercial, c'est toujours ce qu'ils tentent, ils ont tenté de faire jusqu'au bout, et de diluer toute responsabilité politique, et donc de ne faire que du commerce, du business, c'est la seule chose qui les intéressait. Ils ne voulaient pas aucune ambition politique, ils ne voulaient pas d'une union politique, ils ne voulaient de rien du tout. Et donc ce malentendu a perduré jusqu'à aujourd'hui, ce qui a conduit à cet acte fatal. Et d'ailleurs, je voudrais citer, tout le monde le cite, mais Winston Churchill avait toujours dit, eh bien, si un jour l'Angleterre doit choisir entre le grand large et l'Europe, elle choisira le grand large. Et cela s'est vérifié en effet au moment du référendum au mois de juin 2016. Tous les chemins de la pensée politique mènent vers Churchill, hein, dès lors qu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Évidemment, alors on va continuer à filer la métaphore du mariage. Donc un divorce est réussi, c'est un divorce à propos duquel on se tape pas dessus, on reste en bon terme pour s'occuper des gosses, bref. Il se passe quoi maintenant? Parce que le divorce, il était assez violent. Comment ça va se passer et pour le Royaume-Uni et pour l'Europe? Quels sont les enjeux maintenant? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a parlé du Brexit. Institutionnellement, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne au mois de janvier 2020, mais nous n'avons pas encore senti toutes les conséquences économiques, car aujourd'hui, véritablement, c'est le 1er janvier 2021 que les choses sérieuses ou dramatiques vont commencer. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, si aucun accord n'aboutit, c'est le rétablissement des frontières pure et simple entre le Royaume-Uni et l'Europe, à tel point d'ailleurs qu'on est en train de mettre en place des parkings immenses dans le Kent où des milliers de camions devront patienter avant de passer la frontière. C'est aussi le rétablissement des frontières entre l'Irlande éventuellement et l'Irlande du Nord, ou l'Irlande du Nord et le reste de l'Angleterre. Et donc ça veut dire des taxes, ça veut dire des passages aux frontières qui vont durer plusieurs heures. C'est pour ça aujourd'hui que nous n'avons encore rien négocié, et Michel Barnier, puisque nous sommes dans l'actualité, qui sera là ce soir à Bruxelles. Il sera à Bruxelles ce soir, Michel Barnier. Il sera à Bruxelles ce soir, a menacé de quitter les négociations si jamais les Britanniques ne faisaient pas un pas en avant. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à Boris Johnson, qui est un premier ministre mensonger, manipulateur, affabulateur, quelqu'un qui n'a pas respecté l'accord politique qu'il a signé, c'est-à-dire qu'on devait négocier un accord commercial équitable entre les deux parties. Les bases, les fondements avaient été posés, il ne respecte plus, il a même fait voter une loi au Parlement, l'autorisant à déroger aux règles du droit international qu'il avait lui-même posé en signant cet accord avec l'Union européenne. Quant à Michel Barnier, je rappelle que c'est le négociateur en chef de l'Union européenne, voilà. Jusqu'au moment où il claquera la porte si jamais ça va pas assez loin. Est-ce que la thèse selon laquelle les vainqueurs du Brexit ne croyaient pas forcément leur victoire, qu'ils n'étaient pas prêts et que ça expliquerait un petit peu le chaos du processus de sortie est à retenir? Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils allaient perdre de justesse. Et donc, ils n'avaient pas du tout mis en place le procédé, le processus qui devait guider le Royaume-Uni dans la sortie de l'Union européenne. Donc, s'agissant de Nigel Farage, comme vous avez dit, lui, de toute façon, il avait démissionné au lendemain du référendum, estimant que sa mission était terminée. Maintenant, il revient sur le devant de la scène. Comme vous l'avez dit, David Cameron n'était absolument pas prêt. Donc, il fallait trouver en urgence une personne pour prendre sa place, ce fut Theresa May, qui a fait un travail remarquable, mais on lui a savonné la planche pendant 3 ans. Theresa May, en réalité, a fait une erreur fondamentale, c'est de dissoudre la Chambre des communes, et pendant 2 ans, elle va se traîner une absence de majorité qui va empêcher de ratifier les versions successives de l'accord qu'elle avait obtenu à Bruxelles. Sur ce, évidemment, que Boris Johnson attendait son heure, il l'a fait. Vous savez que jusqu'au dernier moment, il avait 2 textes, un texte pour le maintient un texte pour quitter l'Union européenne. Il a fait prévaloir son intérêt politique à court terme. C'est pour ça qu'il a fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. Mais il n'était pas prêt parce que son équipe, comme vous l'avez dit, était dirigée par un homme incompétent, très dangereux, Dominic Cummings, et lui-même n'était pas prêt parce que c'est un homme qui ne maîtrise pas ses dossiers. À tel point que lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a fallu recruter des centaines et de centaines de fonctionnaires pour préparer le Brexit. Et même aujourd'hui, tout le monde vous le dira, ni dans l'administration, ni parmi les chefs d'entreprise et milieux d'affaires, on est prêt pour ce Brexit au 1er janvier 2021 en l'absence d'accord. toute dernière question, mais il n'y a que 15 secondes, je ne sais même pas si j'ai le temps de vous la poser. Enfin, est-ce qu'il y a un risque de contagion, oui ou non, en Europe, qu'un autre pays prenne la même initiative? Je crois que compte tenu de ce qui s'est passé, pour l'instant, il n'y a pas de risque de contagion, mais il y a toujours la possibilité pour un pays qui ne se sent pas bien dans l'Union européenne de partir. La Grande-Bretagne, c'est un peu différent car il n'y avait aucune majorité politique pour signer un accord définitif. Merci infiniment, Patrick. Martin Jeunier, ce sera le mot de la fin. Merci pour vos éclairages. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. L'affaire sensible aujourd'hui, Brexit, divorce à l'anglaise, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, et également tous les soirs à 23h. Merci Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Jeanne Mayer, Simon Maisonhomme et Guillaume Malandras. Attaché de production, Rebecca Denante. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lollet, Lauriane Toulmont et Benjamin Riquet.